vous écoutez Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. C'est actuellement l'émission Nuisance qui commence, qui débute, oui, le 21 février 2014 vers 21h, tous les vendredis, donc a priori, si c'est possible. Nuisance, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens. Sur Canal Sud. l'habilité à ne pas rimer pour des rimes en « et » à chier, plutôt des rimes en « ir » comme « finir ». Alors finissons-en, revenons-en au sujet de la bêtise humaine. Que des dermes, que des cons, des tâches et des fions de merde. On est foutu sans cerveau. Alors, allez vous faire enculer comme moi. D'ici à ailleurs, il n'y a rien sans merde. Vous comprenez ? Pourtant, des fois, il y a de l'espoir. Pas grand-chose, d'accord ? Mais quand même, je vous le dis, on est tous à chier. Ce que je veux voir, c'est du talent, de l'adresse, explicité aux gens. Mais sincèrement, pas d'espoir. C'est plus sage. On connaît ces connards. D'ailleurs, ce qui est sûr, c'est la bêtise humanisée, la bestialité. Et puis, ça n'en finit pas d'être chien. God, what has happened? What has happened? Oh my God. Oh no, not that. Oh no. Bienvenue donc sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, www.canalsud.net, 92.2 FM sur la région toulousaine. Thank you. Thank you. Dylan. Oui. Ah non, non, non. De quoi? Bon, d'accord. Welcome to paradise. Go on, straight ahead. Do you want to go there? Do you really want to go there? Straight on to paradise. Straight ahead. Don't change the cap. Move the cape around and fuck us. Thank you. Nuisances, l'émission de toutes les nuisances, l'émission qui nuit au sens sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Oh! Thank you. This is a planet where everybody shits on each other. Leave this planet. Do not stay here. People are stupid. People are full of shit. Kill them. Kill them all. Kill them all. You've got to kill them all. Kill them all. This planet is full of shit. Cette planète pue la merde. Il y a des humains partout. Ils puent la merde. Ils foutent la merde. Ils puent. Ils puent. Les humains, ça pue. Tuez-les tous. Tuez-les toutes et tous. bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Il est actuellement 22h45. 22. Les profanes, c'est-à-dire presque tout le monde, puisque... Je recommence. Les oui. profanes, c'est-à-dire presque tout le monde, se font une idée de la franc-maçonnerie selon qu'ils sont de droite, de gauche, croyants, agnostiques, progressistes, réactionnaires, indifférents ou passionnés. Pour ma part, cette société secrète me semblait un mouvement vaguement anachronique, dont les dignités au nom barbare ou mystérieux s'apparentaient à celles, tout aussi extravagantes, des pataphysiciens. L'origine... De l'orientation, l'école, mon historique. Mon Dieu est mort ce soir. Les traces sont nombreuses dans le passé de l'idée que le droit est un phénomène social, qu'il s'agit de constater comme les autres. Aristote observait les constitutions existantes dans leur diversité de faits. Mais, mon cher, que pensez-vous des pataphysiciens ? Perse et Athènes. Les pataphysiciens, pour moi, les patates physiciennes, c'est des patates qui seraient ni douces, ni grises. Donc, des patates chaudes ? Non, pas du tout. C'est une origine de patate, en fait, qui serait plutôt modifiée chimiquement. Ah, en fait, les patates seraient à l'origine de la physique quantique, selon Kant, qui dit que un chat se met dans une boîte de Schrödinger. Une boîte de Schrödinger, tu veux dire une boîte de conserve dans le cul ? Ouais, parce que la conserve, elle a été inventée en 1884. Ah oui, c'est vrai. Donc Schrödinger, lui, fait son apparition en 1970, je crois. Et oui, parce que la physique nucléaire vient de la patate chaude. Donc des pataphysiciens. L'État, le droit international, consiste dans l'accord de la volonté de l'État. L'aboutissement est la hiérarchie des normes, comme ma bête, et la notion de normes fondamentales. L'ésotérisme traditionnel et ses fins initiatiques ont exercé au cours des siècles une influence considérable sur les différentes formes de la pensée et ses manifestations artistiques, littéraires, philosophiques, sociales et religieuses. Sa transposition maçonnique en donne l'aperçu à l'époque moderne. Oui, mais la vie du droit consiste à réglementer des rapports sociaux caractéristiques par des facteurs économiques, moraux et psychologiques. Donc en fait, la patate, qui est une patate physicienne, hein, donc les pataphysiciens, donc les amateurs de patates et de pommes frites et autres patates douces, oui. sont des amateurs de physique, mais en fait, ils sont des êtres sociaux, c'est ce que vous voulez dire. Mais surtout psychologiques. Et ces patates peuvent être de droite et de gauche, c'est ça ? C'est ça, c'est qu'elles sont au milieu. Mais beaucoup en doutent. Au milieu, mais ils révèlent différents points faibles dans la doctrine. Attends, je voudrais dire quelque chose. Mais le plus immédiat hypothétique de la morale juridique. C'est-à-dire. Mais c'est-à-dire, moi je vous parlais de cuisson. Si on est au milieu, en fait, il faut que la cuisson de la patate soit pas trop cuite pour qu'elle s'entende au milieu. Oui, mais il faut qu'elle perçoive des amandes. N'est-elle pas un but ? Même pour les législateurs, ils attendent d'obtenir des abstentions. Alors, sur le plan général de la patate physicienne, donc qui est une beauté en soi, et, comme le dit Platon, une simple et éternelle, universelle, immuable, incorporelle et invisible. Ah oui, mais le fond de la difficulté et sans doute que les problèmes de l'application de ces règles aux particuliers témoignent que ce que la règle a d'abord caractérisé le rationnel. Il s'agit d'une proposition générale, alors que les problèmes à résoudre finalement sont particuliers. Mais je sais pas si on peut parler de problèmes. Avant de parler de problèmes, je pense qu'il faudrait instaurer une communication avec les pataphysiciens. Et avant de parler avec les pataphysiciens, de parler avec une patate. Et donc une communication intime avec cette patate et émotive, tout en étant émotif bien sûr, avec le parfait. Peut-être le mode de réalisation du beau. Ah oui, mais on a mis en doute que la doctrine revient à la volontarisation et au vrai, que le présent sous des formes de connexion logique, on se demande si dans l'état, le système de morale est encore en place par le pouvoir, est mis en place par le pouvoir. Mais dans la mesure où les pataphysiciens prétendent apporter la connaissance absolue au moyen d'une illumination super rationnelle, sa pensée, de la patate, pas des pataphysiciens, de la patate, se met dans le monde des symboles et des analogies. Oui, mais il est impératif de se référer aux données psychologiques. On a reproché au système de morale d'anéantir l'idée de droit subjectif qui repose sur la volonté du sujet. Mais oui, mais c'est parce que ta patate est mal cuite. Faut mettre le four à 180 degrés pour qu'elle soit ni trop cuite, ni trop chaude, ni trop froide. Ni à droite, ni à gauche. Oui, mais Gorvitch est cependant sensible, lui, à observer objectivement que le droit se réduit aux pures, aux pures constatations. Donc on voit mal au nom de quoi le justicier serait-il une patate ou serait-il une personne qui lutte au progrès, un idéal ou simplement un but à atteindre. Donc vous faites appel à la création des super-héros qui vient dans les années 30, où on a créé donc Monsieur Super Patate, qui a donné par la suite, à la fin du XXe siècle, Monsieur Patate. Qui est peut-être une antinomie de la patate, justement. Là. On n'est plus au grand moment de la patate où on avait Super Patate, et que maintenant, dans notre société de consommation, on a dérivé vers Monsieur Patate, qu'on peut justement façonner à notre image, et qu'on peut intervertir, mettre ses bras dans son cul ou pas, sa moustache sur ses yeux. Et voilà, c'est peut-être justement parce qu'on est dans une perte de la symbolique de soi. Et c'est peut-être cette perte de symbole, justement, et de Monsieur Super Patate, où la patate était héroïque. C'était le grand moment des pataphysiciens. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça, de l'évolution de la patate? Oui, mais ce n'est pas que. Il est pénétré du sentiment de la justice. Et sous la forme d'égalité, égalitaire du moins, très défiante à l'égard de l'État, il a le but d'un pouvoir éventuel de gouvernement. Mais aussi, déclarait-il simpliste, l'opposition entre méthode sociologique et méthode normative. Excusez-moi, je mâche les mots. Non, c'est pas les mots qu'on mâche, hein, c'est la patate. Hein. Oui, ou les chamallows. Grillé. Oui. Toujours dans un four à 180 degrés. Mais l'événement idéal de la normative, du droit, et dans la réalisation sociale elle-même, c'est-à-dire à quoi répondre. Selon lui, la notion de faire moratif, de faire ce constat comme les autres qui sont constitués de normes, c'est-à-dire de voies vers une idée, ou un idéal, du moins. Un type de fait normatif. On y revient toujours à la patate quand même. Hein. Mais oui, mais c'est notre sujet de conversation en même temps, mon cher. Mais justement, à cet égard, la patate qui doit à son immatérialité, même de pouvoir révéler les profondeurs secrètes du subconscient, est l'art le plus chargé de virtualité initiatique. Oui, par exemple, la normative. dans la communication et dans la communauté sont les caractères par la coïncidence de leur constitution, par le droit de leur génération du droit. Donc du droit au droit, en quelque sens, peut-on encore dire qu'elles sont par rapport à un droit de phénomène premier. Un dépit, d'autre part, de préoccupations prises par les autres. On voit que là, on se décharge de la patate qu'on devait initialement individualiser par des règles, par l'action engendrée par la vie sociale, où le terme de communion vers une expression exprimée par une des ressources de personnes. Mais encore, solution autre de verbal. Mais qui est verbal? Mais justement, on a souvent fait remarquer que le meilleur épanouissement des patates se trouve dans le train de la profusion. C'est le flou qui flie ou le flie qui floue? Les deux. Le rôle de la coutume et aussi l'influence des écoles sociologiques sur les concepts de droit chez les juristes est-elle demeurée relative? Mais les juristes sont-ils des pataphysiciens? Pas proprement dit. On constate tout d'abord que le rôle de la commune, ou plutôt de la coutume, excusez ce chamallow, il est borgne. Il apparaît en décroissance dans l'évolution du droit de la patate, une place première dans un plan, plutôt orthonormé, appartenir dans la société moins évoluée la complexité nouvelle de la relation sociale. Puis la rapidité dans leur évolution, on appelle une intervention croissante de l'État dans l'élaboration du droit. Mais justement, en fait... les pataphysiciens, peut-être que justement leur concept c'était peut-être de dire que l'homme c'est la patate et que comme l'homme tel une patate, il y a la couche externe, la peau de la patate, mais si on enlève la peau, on arrive au cœur et au cœur tendre de l'homme et à la vérité même, la vérité symbolique. Cette existence est encore le plus souvent affirmée. Mais certains la remettent en doute par des agissements uniformément répandus. Oula, je me perds, je chamalote comme un illégal jour. Mais nos ancêtres, les croisés chamalouins et patates, voulurent réunir dans une seule fraternité les sujets de toutes les nations. Quelle obligation n'a-t-on pas à ces hommes supérieurs qui ont imaginé un établissement dont le but unique est la réunion des esprits et des cœurs pour les rendre meilleurs et former dans la suite des temps une nation spirituelle où, sans déranger aux divers devoirs que la différence des États exige, on créera un peuple nouveau qui, en tenant de plusieurs nations, les cimentera par les liens de la vertu et de la science. Oui, mais quelles sont les interventions sociales les plus dignes de protection? Quel est le courant social le plus profond? Ben justement, nous avons parmi nos trois espèces, nous trois espèces de patates, donc des novices. Des patates novices, des apprentis patates et des compagnons patates. Ah oui, on voit très bien la structure hiérarchique dans le droit de la liberté. Des prophètes, des maîtres ou des parfaits. Nous expliquons au premier les vertus morales ou patatanthropiques. Au second, les vertus héroïques. Et au dernier, les vertus pataphysiciennes. Et divine. Cette étape d'esprit reflète visiblement la confrontation du droit moderne avec une multiplication de problèmes neufs et une évolution rapide. Il faut aviser, imaginer, prendre parti. Si les volontaires purs n'est pas acceptable, une sociologie exclusive ne naît pas non plus la sociologie utile rappelée par le droit. Ne pouvons-nous pas être la volonté arbitraire de la légalité ? Mais du temps des guerres patintec, dans l'ancienne pataterie, on ne communiquait ces signes et ces paroles qu'à ceux qui promettaient solennellement et souvent même au pied des autels de patates de ne jamais les révéler. Donc en fait, c'était les patates qui gardaient ça pour eux-mêmes et ne voulaient pas partager leur leur patate sautée. Tout à fait, mais l'accord paraît assez général par reconnaissance que l'État seul dispose de la contrainte inconditionnelle. C'est bien là, en fait, le groupe encore que l'État recourt aux dernières ressources de l'exclusion du membre réputé récalcitrant par l'excommunation l'excommunation du droit communique excusez-moi je chamalote une fois de plus par l'excommunation du droit canonique, la guerre du droit international, la disqualification dans les milieux d'affaires dont on n'a pas respecté les règles, notamment en cas de sentence arbitrale. Mais cette promesse sacrée nettoie donc pas un serment exécrable, comme on le débite, mais un lien respectable. Tu as dit bite. Ben oui, les patates en débite, oui, non, c'est pas drôle, les patates en débite, ouais. Mais ce n'est pas des curcubétacées, par contre. Hein. C'est sûr. C'est pas des zucchini non plus, hein. Non. Ni des courgettes. Hein. Mais oui, donc, je reprends, cette promesse sacrée nettoie donc pas un serment exécrable, comme on le débite, mais un lien respectable pour unir les patates de toutes les nations dans une même confraternité. Oui. Mais il est trop clair, cependant, que des mœurs ou des règles juridiques conduisent à des résultats jugés désastreuses, ne peuvent guère être qualifiées de normales. Toute génération, quelle qu'elle soit, dans la légalisation sur le loi arrêtée, la construction, son apparition est peut-être morale une fois de plus, mais à ne considérer que sa généralité, après la première guerre devant la difficulté de logement, mais sont des résultats posés. Un problème dont la solution dépend d'une série de choix. Et non de simplicité, de constatation à l'état de la patate. Mais si le patapsychisme est cela, rien que cela, et depuis si longtemps, elle doit être bien connue et vieille dame, elle ne doit plus susciter de passion. Pourtant, le voile d'Isis qui couvre ses mystères, bien que souvent levé, excite encore les cœurs et intrigue les esprits. Cette analyse est l'expression qui se trouve à la base des principes de la loi naturelle, se retrouve dans leur application des effets, une thèse maîtrisée, une philosophie morale thomiste. What the fuck ? que la certitude de déduction tirée par les principes généralistes de la croissance au fur et à mesure qu'on veut appliquer des situations concrètes plus particulières dans la nature du complexe, l'arme déposée du droit et la résistude de déposement de déposant de la dépositaire putain de merde qu'il que veut en la patate vous monte à la tête hein pour tuer c'est sûr l'arme déposée doit-elle la patate fatale restituer au déposant dans la dépositaire sont-il veut en user pour tuer oui le retour des patates tueuses. Mais malgré le temps aussi et bien que plus de 60 000 ouvrages lui étaient consacrés, le patapsychisme demeure mal connu, surtout dans les pays anti-patates. Parce qu'il y a beaucoup encore d'anti-patates dans nos pays. En Allemagne. En Allemagne, ils étaient anti-patates, ouais, dans les années 30, pendant la seconde guerre de pataterie. Mais enfin, une bande de cons d'ailleurs, les antipatates. Au 19e siècle, avec la fellation, de l'exagération du problème de méthode se pose, que l'Allemagne, Stammler, dont le signal de retour au droit naturel, mais à un droit naturellement bien différent de celui qui avait dominé les esprits avec Grotius dans les successeurs formés des kantiens de patates dans un droit naturel en contenu la variation de ces déductions par des simples formes inspirant à une justice leur acteur et auteur qui ont repris les problèmes n'ont pas compris réellement l'adhésion de la possibilité de moyenne obscure consacrée à la civilisation, mais plus aux racines. Oui, mais beaucoup néanmoins, malgré leur manque d'informations, s'en font, par oui dire, une opinion établie et préconçue, je trouve. Oui, naturellement, que l'homme naturel de situation. Ouais, ouais. Toi, pro-patate ! Pro-patate ! Pro-patate ! Pro-patate ! Mais sur les racines... Les racines de la patate ? Oui, les racines, bien sûr. Mais la patate est la racine, de l'être vivant. Oui, la mais racine de la vie, c'est les racines de l'humanité, c'est les racines de la patate. Je voudrais faire une intervention un peu inopinée pour vous dire que vous êtes sur Canal Sud, il est à peu près 23h09, je descends de ma perche pour vous rejoindre, les mecs. Vous parlez de quoi, en fait ? De patate ? De patate. Eh ben, Patatoïde. Patatoïde, c'est un roman qui existe en plusieurs exemplaires, dont un exemplaire pour moi. C'est qui ce mec qui s'incruste moi. Là ? C'est un pirate ? Moi. Il s'y fait moi. Quoi, lui ? Moi. Pourquoi il parle moi. À la radio ? Moi. Moi. À moi. À moi. À moi. À moi. À moi. Je savais pas qu'on était trois, là. Il fait quoi, lui ? Moi. Moi. Moi. Tu veux pas fermer ta gueule ? Vous oubliez les patates, hein, les gens, là. Oh, quelle pute. Ouais, attention, hein. Attends, il faut remettre à sa place, lui. Les patates sont cuites, là. Le mec, il a la régie, il croit qu'il est capable de tout faire, hein. Il veut savoir tout de suite ce qu'on fait. Non, mais il se prend tout de suite pour Monsieur Patate là. Mais oui, mais ça non, va, mais c'est quoi ça Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il veut avec ses patates? On sait que c'est un symbole, mais on n'est pas tous des symboles hein. Franchement, la nature des racines, qu'est-ce que t'en penses, quoi ? Bah, j'en pense qu'il y a une légende qui touche à l'histoire de la patate, revêt une grande importance, du moins spirituelle, dans certains rites patatoniques, dont les rites écossais. Moi. Celle qui attribue les origines de la pataterie à l'ordre de la patate. Moi. Plusieurs versions ont été données. Telle qu'elle est rapportée par le baron de Hund. Créateur du système de la patate. La franche patate. Ah, la franche patate, exactement. Yeah. Mais les racines sont-elles revenues aux traditions aristotiennes ? Oui. C'est donc là l'analyse, la structure dans l'existence, en possibilité de dégager une finalité de l'être. Donc, en outre, un moyen partiel de choisir ou de formuler particulièrement des exigences. dans la loi de la vie, morale, aussi bien dans la biologique, mais autant dans la loi du monde inerte. Donc la patate, est-elle inerte ou activiste dans le nécessaire du bon vouloir de l'État, ou de l'État liquide, gazeux ou solide du développement de l'être qui le subit? Faut dire que la patate alimente par des vibrations d'observation naturelle de l'homme un autre type de ligne de conduite qui donne à la vie une morale dépérirante. Mais les temps changent, les années passent, et les patates écossaises voient s'évanouir leur espérance, entraînée par les courants à la mode, et transforment peu à peu les patates en Big Mac et différents potatoes d'autres sortes. Une patate spéculative orientée vers des buts plus spirituels, mais fortement imprégnée dans le patatoïsme qui subsiste, du libéralisme qu'ils avaient introduit à des fins tactiques. Du découpage de la patate, et ce qui est très mauvais. Donc le patatonisme orangiste. Mais c'est des patates qui s'accouplent avec des oranges, ça fait des patates oranges. On appelle ça des patates douces. Jolie petite musique. Mais de son côté, d'abord, Innovation gagne de plus en plus. Elle a même été invitée dans les rangs écossais de patates écossaises. La grande patate de Londres devient la dispensatrice de la légitimité patatonique. Mais elle demeure sous le couvent de la même tolérance, un agent conscient ou non de la monarchie patatienne, du patatikanisme. C'est alors que les états s'émeuvent en patatonie. La patatonie supérieure, c'est à la patatonie inférieure, ça dépend de l'endroit où on se trouve. De l'endroit où on se trouve, ouais. C'est alors que les états s'émeuvent. Non, ça je viens de le dire. Quant au pape patate, il est à la fois chef temporel et chef spirituel de la patienté. Oui, mais à ce stade, il ne s'agit pas encore d'indications tirées par la nature de l'homme et de sa moralisation dans une nature où on appelle à l'opinion commune à vivre en société. Il faut donc prendre des mesures nécessaires pour que la vie en société soit possible. Et par ce retour dans les racines, on observe une nature de choses. Mais les thèmes que le pata, que la pata physique présente à la méditation ne s'exprime pas dans le langage écrit des concepts visuels, ce n'est pas là le moindre écueil à leur compréhension, surtout en une doctrine cohérente. La langue qu'elle emploie est celle des symboles. La patate emploie parle par symboles. Hein. Elle n'a pas l'usage de la parole, le langage auditif. Elle s'exprime par symboles visuels ou purement symboliques. Elles paraissent naguère bien périmées. Il faut faire attention à la date de péremption qui est écrite sur la patate, sinon vous risquez de faire une indigestion. Une indigestion, oui. Donc elles paraissent naguère bien périmées dans un monde épris de clarté et de logique formelle. Mais fait surprenant, qui tient au relatif ou conduit la connaissance purement rationnelle, le symbolisme revêt de plus en plus un caractère d'actualité dans la littérature, dans l'art, et maintenant même pour les savants, il est pour beaucoup le seul mode d'expression de la pensée. Donc, nous avons la pensée commune, la pensée unique, c'est la pensée de la patate. Oui, mais par cette pensée, la servitude du passage au profit des fonds enclavés en lien à la nature des choses et si on le veut, permettre à l'exploitation de ces fonds et de ce fondement que conçut la nature des choses qui se retrouvent dans l'institution les plus discutées et les défenseurs de cette propriété dit commerciale ont fondé l'atteinte et ont constitué au droit de la propriété, mais non seulement au droit de la propriété, aux forces d'obligation à ce contrat, une valeur donnée réelle, une valeur imposée, ni apportée à ses attributs. Que sont beaucoup des esprits naturellement des choses, des situations. Mais il est devenu banal de constater que ce symbolisme patatonique et d'essence patatienne, son fondement le plus ancien et le plus incontestable, pardon, est l'ésotérisme patatien. Excusez-moi, incontestable. Vous pouvez continuer maintenant. Mais il est incontestable. Et alors, ce que je voulais dire, moi, c'était par contre, c'est on est bien d'accord qu'on se fout de la gueule des francs-maçons, en fait, là, tout de suite. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, pardon, je croyais qu'on se foutait de la gueule des francs-maçons. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on ou fait pas, là, en fait ou pas, on sait pas. On sait pas du tout. Enfin, on parle de patates, en fait. Oui, on parle de patates. Vous parlez vraiment de patates. De patates, oui. Oui, mais là, le rôle de la patate dans le monde du droit et. Ça fait maintenant une certaine période de temps que vous parlez de patates, quoi. Vous parlez de patates depuis à peu près quelques temps, quoi. Ou de patates à mon C'est un sujet très très très. Et combien de temps vous croyez que ça fait que vous parlez de patates maintenant? C'est une bonne question. Ça dépend si on parle en heure patate ou. Ça fait longtemps ou peu de temps? Je pense que ça fait pas longtemps. À l'échelle de la patate, c'est une fraction de seconde. Patate de temps. Mais sur l'aboutissement des règles, les contrats sont atypiques. C'est évident que la patate devrait avoir une situation typologique et un problème l'union des sexes. Que le sexe, voilà, sexe. Je voulais en arriver là. Mais la patate est asexuée, hein. Avec vous, pardon, mais moi je pensais aux plantes à deux sexes. Vous savez, comme les êtres humains, quoi, qui ont un sexe. Et... Non, je pensais aux êtres humains, en fait. Des herbes, je crois. Non, des herbes de Provence. J'essaie d'arriver à... Est-ce qu'on pourrait faire un film pornographique maintenant, tout de suite, là, à la radio? Est-ce que c'est possible? Sans aucun problème. D'accord, l'union merci. Des sexes et la représentation des biens. Et leur usage, c'est qu'un échange de services. À une répartition dommage. Vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM? Des typicités d'un monde parallèle, une manifestance des tensions permanentes sans l'être humain. Au canal sur point net. Elle se constate extérieurement. C'est nuisance. Mais ça nuise. Ça nuise grave, les gars. Franchement, je voudrais vous féliciter. Vous nuisez grave. S'il y a deux personnes dans cette ville qui nuisent comme vous. Je peux pas le croire. Il y a que vous qui nuisez autant que vous nuisez. Oui, mais vous nuisez grave. Le soi du droit. Comme vous nuisez, quoi. L'exception en ligne directe dans une émission de radio où l'expérimentation soviétique arfimerait à des rappels, si alors, besoin d'effets de caractère naturel, mais plutôt d'une conception du soi. On pourrait aussi en indigner des enfants, justifiant que sans expulsion, leur attitude serait certainement un bon vouloir, un voir de tout, une volonté déçue. Mais il est devenu banal de constater que ce symbole sexuel est d'essence anale. Son fondement le plus ancien et le plus incontestable est Mabit, qualifié ordinairement d'énorme. Oui, comme la généralité des voix imperceptibles. Car on la trouve surtout exprimée dans l'enseignement de Mabit. Oui, mais dans la nature interférente. C'est vrai que Mabit émet souvent des interférences. On s'en sent en fait souvent d'émetteur tellement qu'elle est grosse, tellement qu'elle est grande et élevée, plus haute que la tour Eiffel, tel un phallus érigé au milieu de Paris. C'est de la merde. Donc une bite est un moyen d'émettre des ondes. Et de répandre la parole à toute la communauté de ma bite. Mais traditionnellement, elle serait éloignée par tout principe de loi naturelle. Parce que la folie. Mais la bite n'est jamais tellement éloignée de nous. Ça est toujours à portée de main. Il faut vraiment croire. C'est ça le propre de la bite. Oui, mais la méthode d'utilisation, de la solution, la réelle solution. La vraie folie. La méthode d'utilisation d'une bite. La vraie folie, c'est en trois mots. La méthode et la solution de celle-ci. Ah oui, il y a une solution d'utilisation. Oh my God, oui, je pense que la nature et non pas son nom, mais plutôt l'effort rationnel à l'utilisation de l'action. Mais dans la même bite, mourir. Nous relevons ces précisions sur la prestation du serment anal. Ah oui, mais là, dans ce cas, on annonce une recherche de valeur par des caractérisations de pensée juridique ou contemporaine. Mais pour faire le lien avec ce qu'on disait avant, la pénétration d'une patate... Oh my God, what have I said? What have I done? Ça te dit de pénétrer des patates? Ça dépend. Ah oui, ça dépend si elles sont pataphysiciennes, patatoniques, patatiennes, pentagrammes et... pentagoniste et pentagone. En soi, le mécontentement à travers la complexité, c'est l'expérience médicale sur les déportés ont pu se. C'est bien ce qu'il y a écrit. Ont pu déclarer l'utilisation générale des pressions ou la purge par un moyen de conscience publique. La purge ou la murge? Ça dépend. Le taux d'agression en ce droit défendre la vie ou s'affirmer comme étant en soi la nature de la vie. Mais il convient d'aller plus loin dans l'histoire et dans l'analyse de ma bite. Tout dépend des règles généralistes fondées par la nature de l'homme. Et autres affirmations doctrinales. C'est finalement à travers toute complication que la vie sociale parle de ta bite et des hommes. Et qui révèle son symbolisme, bien sûr. Ma bite. Ah oui, mais le symbole n'est pas une finalité en soi. C'est un fondement qui construit un problème devient la notion généraliste. La bête ne fait pas le moine. Mais cette notion générale, du moins, peut conflictualiser et créer des différences. Qu'est-ce qu'il habite ? Il déborde et du cadre et crée des étuis variables en fonction de son de la problématique. Pourquoi ça veut pas marcher ? Mais on s'aperçoit que la bite s'est toujours intégrée au grand courant traditionnel de toutes les femmes qu'on dessine le plus souvent sous le nom d'hermétisme. Bien que celui-ci n'en soit pas une forme syncrétique. Mais les variantes du thème de ces images est proposée par certaines conversations dans le droit naturel, des racines, des centres, des âmes, des structures, formes, des squelettes, des aliments. Ce sont des méthodes de problématiques essentielles dans l'acceptation seraient des problèmes objectifs l'incompréhension et les deux systèmes de la nature. Faut dire que c'est immoral de constater que cette bite est énorme et que son droit positif est le principe postulé par la nature en chose. Mais sans rechercher l'origine de ma bite au berceau de l'humanité, bien qu'il réponde à la satisfaction du sentiment sexuel. Oui, mais... Qui est inné au cœur de l'esprit de l'homme. Mais juridiquement, il a un besoin de savoir. Il a le droit de faire. Il a la règle positive. Et il a l'objet en solution expliqué par des recherches. Et elle est innée au cœur et dans l'esprit de l'homme. Par syntaxe et par symbolisation systématique de l'analyse naturelle des choses. Mais dans son expression évoluée, elle est fille de Chaldée, d'Égypte et de Grèce. mais elle est articulée par la normalisation au réel et à la recherche empirique. Elle est toute chose, finalité et idée. Dans la loi naturelle de l'instruction fondamentale, des règles d'action pouvant porter sur l'objectification des réalités, ou dans les moyens de travail, d'intelligence et de dégage, une structure de dégagement de structures démêlées par des intellectuels ou des intelligibles, appelées l'ancienneté. Et ce qui marque l'épanouissement de la tradition avec les gnostiques, les néoplatoniciens, les néopythagoriciens, les mitriarques et les orphiques. Pour conclure sur ce long débat incohérent et très... patatogénique. Oui, touffu, j'aurais dit. Une patate touffue, oui. Touffu, oui, une patate touffue. Ouais, ouais. Touffu la patate. C'est touffu et la patate. Touffu la patate. Ouais. Oui. Enfoncez-vous tous des patates dans le cul et vous verrez, vous aurez compris l'origine. Il faut quand même attendre l'indication sur le trop vouloir, l'insuffisance ou la société complexe de la relation sociale de beaucoup d'autres enchevêtrements que nous puissions constater ou dénigrer selon notre nature et nos valeurs. Une situation compense une autre. Adopter des contraintes serait accepter l'empirisme ou les tendances empiriques. Par ce premier pas, on constate que les circonstances sont contraires à l'exponentialité de l'événement. Dans l'exactitude de l'événement, la différence serait la solution possible ou pas. Les hommes patates, les hommes patates, les hommes patates, les hommes crabes. Oui, mais ils sont toujours à la recherche d'une valeur, une orientation contemporaine ou une considération des fins à l'attribution. Ou de merde. Je vois. Ici. Trop patate. Thank you. Alors on discute, on fait toujours sur le terrain. Thank you. Ouais, carrément. quoi. Ah mais t'inquiète. Ah non j'aurais pu, ouais mais je t'ai pas vu, moi non plus je t'ai pas vu, c'était le camion. J'étais prêt à tout installer quand je me suis rendu compte que l'ampli était dans la as de l'arbre. C'est joli. C'est important le joli. C'est quelque chose te permet de te tenir, de te protéger des trop grandes, de ces dimensions trop grandes, par contre, peuvent resurgir les joies, les terreurs, l'animalité, les choses inquiétantes. Et puis, il y a des présences, réelles. Si on se promène en banlieue en ayant d'abord les yeux marchands, il reste les cafés. Et puis sinon des grandes revues de Saint-Rétrécourt, des HLM seulement à partir du premier étage, et où généreusement de temps en temps on laisse un vieux Rétrécourt un peu de Nuisance, c'est fini.